Abordons ensemble cette séance de méditation assise avec la ferme intention d'apporter de la pleine conscience et du discernement à chaque moment. Et choisissons une posture qui, à cet instant, incarne la dignité, l'autonomie, la présence, le calme et la stabilité. Et quand nous sommes prêts, portons notre attention sur le souffle. Percevant le souffle qui entre et qui sort de votre corps. Vous vous concentrez sur les sensations de votre ventre qui se gonfle doucement à l'inspiration, puis se dégonfle doucement à l'expiration. Ou sur les sensations de l'air qui pénètre dans vos narines. Vous vous appliquez à rester en contact avec votre souffle, là où il vous semble le plus présent. En maintenant simplement votre attention sur le souffle, pendant toute la durée de chaque inspiration, et pendant toute la durée de chaque expiration, vous chevauchez les vagues de votre souffle, comme un radeau balloté par les vagues le long d'une plage, pleinement en contact avec les sensations dans votre ventre, vos narines, ou tout autre endroit où vous avez choisi de vous centrer, respiration après respiration, moment après moment. Laissez le souffle vous rappeler, encore et encore, que vous êtes pleinement présent, ici même, à cet instant même. À tout moment, si vous constatez que votre attention s'est émoussée ou qu'elle s'est radicalement éloignée du souffle, vous notez où votre esprit est parti et ce qui le préoccupe, dès que vous vous en rendez compte, puis doucement, et sans vous blâmer, sans davantage vous accrocher au contenu de ses pensées ou de ses émotions, sans les rejeter ni les réprimer, vous lâchez prise, et vous ramenez votre attention au souffle. Faites-le encore et encore, chaque fois que votre esprit est momentanément déconcentré et qu'il s'éloigne du souffle. vous restez pleinement dans ce contact. Il n'y a que ce souffle qui entre, que ce souffle qui sort. Servez-vous de la respiration comme d'une ancre pour maintenir votre attention ici même, dans l'instant présent. Et si vous vous sentez à l'aise, au bout d'un moment, étendez le champ de la conscience autour du souffle, jusqu'à ce qu'il inclue la sensation globale du corps assis qui respire, vous ouvrant à toute gamme des sensations associées à votre corps, assis et empli de conscience, vous observez leur va-et-vient sans réagir. Vous observez simplement le mieux possible le jeu de toutes les perceptions, sensations, pensées et émotions au fil de votre souffle, alors que vous êtes assis, ici, pleinement en contact avec ce moment. Chaque fois que votre attention s'émousse ou qu'elle est emportée par le flux des pensées, des émotions ou des sensations qui traversent le mental, ramenez-la sur le corps entier, assis, qui respire. Rappelez-vous peut-être, de temps en temps, que vous ne cherchez pas à aller où que ce soit, ni à éprouver quoi que ce soit, y compris une sensation de détente. Vous vous permettez simplement d'être où vous êtes déjà et de ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, ici, à cet instant. Vous observez et acceptez tout ce qui est ici simplement parce que cela s'y trouve déjà. Une part de vous fait l'expérience de cet instant. Peu importe qu'elle vous semble agréable, désagréable ou neutre. Vous donnez tout le soin et l'attention nécessaires à chaque moment, un processus continuel où l'on voit et où on laisse être, où l'on voit et où on lâche prise. et dans les derniers instants de cette séance, vous vous engagez de nouveau à être pleinement éveillé et centré, pleinement dans votre corps, assis dans la majesté, la beauté, la stabilité d'une montagne. Engagez-vous peut-être également à appliquer la pleine conscience aux situations et aux activités que vous devrez gérer aujourd'hui afin de répondre consciemment, plutôt que machinalement, aux événements et aux circonstances de votre vie, et de trouver peut-être une façon de vivre les événements avec une harmonie et une efficacité accrue, y compris quand vous êtes confronté à des obstacles et des défis. À la fin de ce CD, vous pouvez peut-être vous féliciter de la discipline et de l'effort dont vous avez fait preuve pour pratiquer ainsi, et de votre engagement à consacrer chaque jour du temps à soigner votre être par le non-agir et le calme éveillé.